Un matin ensoleillé, ça a commencé en haut du village. Un homme pousse une barouette qui transporte un vieux heureux, confortablement assis. Il descend vers le village. Et au fur et à mesure qu'ils avancent pour se rendre au manoir, bien, d'autres se joignent à eux. Une étrange procession de vieux puis de vieilles, certains dans des barouettes qui se laissent bercer par le tangage de l'étrange embarcation, et d'autres qui marchent d'un pas chancelant avec des cannes ou des grabats. Ils ont tous un sourire de deux ou trois dents. Les ânes sont chargés de meubles, certains avec un vieux suv-dos se mêlent à l'heureux cortège. Les vieux s'interpellent d'une barouette à l'autre. On entend des rires, la musique, ils sont sur party. Quand ils passent devant la maison de Baba Yaga, par exemple, le silence s'installe. Elle, affairée à son jardin, pliée en deux, elle leur tourne le dos. Pendant ce temps-là, assis dans la maison, les deux filles élaborent un plan pour s'affranchir de leur mère. Il faut que maman parte vite au manoir. On va pouvoir enfin être seule dans la grande maison. Vive selon nos horaires, nos goûts. Hey, j'ai une idée. On va l'attacher durant son sommeil, puis comme ça, on va pouvoir la mettre dans la barouette pour aller la reconduire au manoir. L'autre répond. Hey, non, on n'est pas pour faire ça. Elle va crier trop fort, puis tout le monde va penser qu'on la maltraite. C'est notre mère, après tout. Oui, c'est vrai. Ben, si on l'endormait, j'ai vu dans le bas côté où elle range ses potions une bouteille avec écrit dessus « soporifique ». Ça va l'endormir profondément. Ils attendent pas longtemps là, pour mettre leur plan à exécution. Pendant le souper, au moment où Baba Yaga se retourne pour chercher du pain dans l'armoire, la plus vieille des deux verse la potion dans la soupe de leur mère. Elle en met plus que moins, puis ça n'a pas été long que la vieille s'endort puis ronfle la tête dans son bol. Les enfants sautent sur l'occasion pour l'asseoir dans la barouette puis vont la reconduire au manoir avant que la vieille retrouve ses esprits. Le lendemain matin, encore un peu gommée de l'effet de la potion, elle ouvre les yeux. Elle constate quelque chose d'inhabituel. Elle regarde autour d'elle, puis elle reconnaît des objets familiers, mais c'est pas sa chambre. Tous ses repères ont disparu. La fenêtre est trop petite, puis elle n'est pas sur le bon mur. Elle est habituée à avoir beaucoup d'espace autour d'elle. Surtout pas une porte à sa chambre. C'est étouffant là-dedans. C'est donc bien étrange. Une angoisse monte. Elle n'est pas chez elle, puis sa baguette magique qui est restée dans son baril. Elle panique. Non, non, il n'est pas question qu'elle se noie dans un fleuve de peur. Elle fait un effort pour reprendre ses esprits et elle constate qu'elle est au manoir. Ben, comme on dit, elle est placée. Oh, la colère commence à s'installer. Elle sent dans sa bouche des crocs qui commencent à pousser. En elle, la pulsion de transformation en ogresse monte d'un cran. Wow, wow, wow, wow. C'est pas le temps maintenant. Elle repousse tout ça comme il faut, bien loin au fond d'elle-même. Debout, péniblement guidée par l'odeur des rôtis, elle se dirige vers la porte de la salle à manger. En arrivant dans le cadrage de la porte, Baba Yaga constate que tous les vieux sont concentrés sur leur repas. Et lorsqu'elle entre dans la pièce, les yeux se lèvent pour regarder vers la porte. Une seule phrase, une toute petite phrase qui en dit beaucoup, se met à circuler. Oh non, pas elle. Mais ça tombe bien, parce que la sorcière pense la même chose. Oh non, pas eux autres. Puis tout à coup... Youhou! Baba! C'est Tata Rova avec son beau sourire sucré, ses joues roses et son regard joyeux. Elle fait des signes avec ses deux mains dans les airs. Baba! Baba! Youhou! Viens me rejoindre! Je t'ai réservé une belle place à ma table. Viens déjeuner. La sorcière prend à deux mains son air maussade pour se diriger péniblement entre les tables jusqu'à Tata. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Que je suis contente de te voir. As-tu bien dormi? Baba Yaga répond pas. Eh non, Abok. Elle enligne Tata Rova avec son fameux regard noir. Tata en fait pas de cas, puis continue de parler. Tu vas être heureuse ici. Je te laisse déjeuner, j'ai quelques petits trucs à régler. Puis ensuite, je te fais faire le tour de ta nouvelle maison. Un peu plus tard, la visite commence. Tout en marchant, Tata lui explique les horaires d'activité. Mais l'attention de la sorcière est ailleurs. Ici, à droite, c'est la salle où on joue au bingo et bla bla bla bla bla. À gauche, il y a des ateliers pour faire la peinture, bla bla bla bla. La vieille l'écoute d'une oreille. Et puis, bla bla bla, il y a des spectacles une fois par mois, bla bla bla. Mais pendant ce temps, la vieille en profite pour identifier où sont toutes les portes pour pouvoir s'évader au bon moment. Le temps passe, puis la gang de vieux part jouer au bingo. C'est en plein ce que Baba attendait pour agir. Papa, d'un pas décidé vers la porte, saisit la poignée et essaie de l'ouvrir. C'est bloqué. Elle change de main puis essaie une deuxième fois. Elle ouvre toujours pas. Elle la secoue, a rien à faire, c'est barré. Elle entreprend de faire le tour de toutes les portes du manoir et constate que toutes les sorties sont barrées. À l'exception de la porte centrale. Mais il y a une surveillante. Faisant semblant de rien, elle essaye de se faufiler. Mais la gardienne l'aperçoit. Elle y barre la route. Non, non, non, ma belle petite madame, vous pouvez pas sortir. S'adressait à elle comme si elle était sourde, comme si elle parlait à un enfant de 5 ans. Ah ben, elle, la grande sorcière, déesse, ogresse, se faire traiter de petite madame, c'est une insulte. Heureusement pour la gardienne qui n'a pas sa baguette magique. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Baba Yaga revire de bord puis se rend dans la grande salle où elle tombe nez à nez avec la vue magnifique sur la forêt maléfique. Sur sa forêt. Comme une vieille amie perdue et retrouvée, la sorcière a un coup au cœur en contemplant sa beauté. Au bout de la rangée de chaises berçantes près de la porte, elle repère une place disponible, puis sans dire un mot, elle s'installe, bercée sa colère avec vigueur. Dehors, aux abords de la forêt, ça bouge. Oh, c'est un animal qu'elle connaît bien. Une belle grosse poule rousse. C'est pas là, la poule de Madame Anna qui cocotte. Et la sorcière se passe une réflexion. Et ça l'assomme comme un gros coup de pèlerin en arrière de la tête. Ouais, la poule est plus libre que moi. C'est à partir de ce moment-là qu'elle commence à élaborer son plan d'évasion. Elle n'a pas besoin d'attendre trop longtemps pour passer à l'action.